des lumières. Viens t'asseoir ici, vieux frère, pour un courant d'air. Tes projets volent en poussière, mais sors du brouillard. Jette un œil autour de toi, relève ton regard. On pourrait, comme autrefois, parler d'harmonie. Tu connais l'harmonie d'une Africaine d'Asie, Indienne d'Andalousie. Parler d'harmonie pour ne pas qu'on l'oublie. Nous on en parlera pour qu'on ne l'oublie pas. Allume, t'endors pas. Tout au fond de ton placard, réagis, fais un pas. Ne te cache plus dans le noir. Mon cœur et ton cœur, balance au bout d'une ficelle. Si l'hiver nous fait peur, l'été nous remet en selle. Et parle d'harmonie, tu connais l'harmonie d'une Africaine d'Asie, Indienne d'Andalousie. Parlons d'harmonie pour ne pas qu'on l'oublie. Nous on en parlera pour qu'on ne l'oublie pas. Boulot et sueur, tant d'années de dur labeur. Mais un jour, c'est ton nom, oui ton nom qu'on tire du chapeau blanc. Mais inspire, expire, n'aie plus peur de l'avenir. Quelques chiens hurlent au loin, des amis te tendent la main. Parle d'harmonie. D'une Africaine d'Asie. Indienne d'Andalousie.